C'est un verset qui dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, au nom de Jésus, que la parole de Dieu nous montre la voie là où on ne sent plus sûr, là où on nous sommes perdus, que la voie nous montre la voie, au nom de Jésus. Seigneur, merci, et tout le monde dise amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà béni? Ce matin, nous allons le verset de la semaine. C'est quel verset? Matthieu 3. La semaine passée, c'est quel verset? Matthieu quoi? Matthieu 10. Qui dit quoi? Alléluia. Et aujourd'hui, Matthieu 16, verset 26. Alléluia. Matthieu 16, verset 26. On va mémoriser ensemble. Alléluia. Un verset par semaine. On aura 52 versets pour l'année. Alléluia. Yeah. Matthieu 16, verset 26. Ok, le verset dit: et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Waouh! Alléluia! Est-ce qu'on peut méditer ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tout le monde prend ta Bible, prend le verset, on lit ensemble. Si tu n'as pas de Bible, lis avec ton voisin qui a une Bible. S'il vous plaît, tout le monde, on lit et puis on vient mémoriser. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ou à un homme en échange de son âme? Alléluia. Rien ne peut être donné en échange de ton âme. Tu peux gagner tout le monde entier si tu perds ton âme. Tu peux perdre ton âme. Alléluia. Alléluia. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent être comparées à ton âme. Alléluia. C'est ce que le verset veut dire. Est-ce qu'on peut mémoriser? Vous m'entendez? Derrière des gars, vous m'entendez? Ok. Il faut me pardonner ce matin. Ok. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, c'est la première partie et puis la deuxième partie. Alléluia. 1, 2, Matthieu 16, verset 26. Une fois encore. Une fois encore. Et que servirait-il à un homme si tout le monde, s'il perd son âme? Une dernière fois. Ferme ta Bible. Ferme ta Bible. Ok. 1, 2. Les gens ont commencé à manger l'arachide. Ok. Deuxième partie. Où? Oh. Tout le monde. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Une fois encore, je regarde ceux qui ne répètent pas. Ou c'est facile, non bien? Ok, donc on reprend tout. Matthieu 16, verset 6. Matthieu 16, verset 26. Ok, on mentionne le verset au début et à la fin. Pour qu'un jour, tu vas toujours te rappeler du verset. Parce que la plupart des temps, on dit, recherchez premièrement, mais bien sûr, je ne sais pas où se trouve le verset. Mais je connais le verset. Ah, alléluia. Matthieu 16, verset 26. 1, 2, Matthieu. qu'on a, où Matthieu 16, verset 26. Une fois encore, Matthieu 16, verset 26. Et si personne a ou non, échange de ça. Matthieu, vous avez fermé la Bible. Ok, fermez la Bible. Et le téléphone. Ok. Matthieu 16, verset 26. Et si personne ou Matthieu 16, verset 26. Acclame pour toi-même. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Je pense que normalement, on n'a pas l'habitude de mémoriser. Donc l'évêque a réalisé que bon, on doit faire ça ensemble maintenant. On ne lit même pas la Bible. Ok. Alléluia. Mais au moins, si tu viens à l'église, du début jusqu'à la fin, tu auras 52 versets. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Alléluia. On a les livres ici. Digana. On a les livres. Digana. Ceux qui n'en ont pas le livre. Ah, les démons et comment les affronter. C'est le livre du mois. Et c'est le livre que nous prenons ce mois. Alléluia. Le prix normalement, c'est 35 Ghana. 35 Ghana. Alléluia. Moi, je l'ai acheté à 35 Ghana. Mais aujourd'hui, c'est 10 Ghana. Si tu ne l'achètes pas, après janvier, hein, tu auras ça à 35 Ghana. Achetez. Ok, qui d'autre? Le livre, il y a quelqu'un qui est là. Qui d'autre? 10 Ghana. Qui a 10 Ghana ici? Ok. Les démons et comment les affronter. Les choses sont telles qu'elles sont dans ta vie à cause des démons. Tu as besoin de ce livre. Ah. Et l'une des choses que le démon fait. Tu vois, la Bible dit que la parole de Dieu vient, la parole de Dieu est une lumière. Les démons aiment entrer, mais les démons aiment les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ce péché-là, tu vas dans ton que tu te caches pour faire ce péché. C'est le démon. Le démon, tu ne peux pas venir ici forniquer. Sinon, je vais te frapper. Tu vas aller te cacher derrière quelque part. Pour forniquer, pour masturber, tu te caches. Pour regarder la pornographie, tu te caches. Pour voler, tu te caches. C'est le démon. Le démon aime les ténèbres. Alléluia. Yeah. Donc tu as besoin de ce livre. Et tout ce que le démon fait, c'est pour que tu ne le connaisses pas. Il est là, il est en train de fleurir dans les ténèbres. Tu te caches à fois, tu fais. Tu te caches à fois, tu fais. Et le livre là, c'est la lumière. Yeah, ce qui est dans le livre, c'est la lumière. C'est pour dévoiler le démon. Et tu vas voir que les démons vont fuir. Yeah. Alléluia. Donc, tu as besoin de ce livre. Tu as besoin de ce livre. Les démons ne veulent pas que je prêche, mais je vais prêcher. Alléluia. Donc, qui n'a pas le livre? Qui n'a pas le livre? Qui n'a pas le livre? Alex, c'est Alex, non? Sylvain, tu n'as pas le livre. Qui va acheter pour lui? Personne ne veut acheter. Il faut être bon. Il faut être bon. Il faut avoir la bonté de Dieu. Quelqu'un veut acheter pour lui. Et tu veux acheter pour lui. Nous sommes des chrétiens. Qui aussi n'a pas le livre? Tu as besoin du livre. Tu as besoin du livre. S'il te plaît. Les démons vont fleurir dans ta vie. lorsque tu ne les connais pas. Tu comprends? Yeah. Les démons fleurissent dans, aux États-Unis et en Europe. Yeah. Et dit homosexualité. Lorsque tu parles contre l'homosexualité, on va te mettre en prison. Yeah. Parce qu'ils ne l'appellent pas homosexualité. Pense à quoi? Ils donnent un autre nom. Ils essaient d'expliquer pour couvrir le nom. Il y a orientation sexuelle. Yeah. Tu veux t'orienter sexuellement. Donc ça n'a pas... Yeah. Le démon, lorsque tu ne connais pas le nom du démon, le démon va fleurir. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, aujourd'hui, on va voir chapitre 13. Okay? Si tu as le livre, chapitre 13. Les démons travaillent en groupe et par équipe. Yeah. C'est rare de voir un seul démon. Oh, c'est rare de voir un seul démon au travail. Les démons travaillent toujours en équipe. Alléluia. Yeah. Vous trouverez rarement des démons qui travaillent seuls. Il existe souvent un réseau indiqué, intriqué de mauvais esprits impliqués dans toute une situation pernicieuse. Okay? Quand il y a la confusion dans l'église, il est difficile de pointer du doigt une seule cause. Est-ce la jalousie? Est-ce la haine? Est-ce la déloyauté? Est-ce la chair? Souvent, ce n'est pas un seul démon. Alléluia. Amen. Et dans Marc chapitre 5, est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 5? Ouvrez vos Bibles, Marc chapitre 5, verset 1. C'est là. Marc chapitre 5, verset 1. Ok. C'est là notre verset. Le passage. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Vous m'aidez ce matin à lire ensemble. Verset 1. 1, 2. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Aussitôt. Je ne vous entends pas. Oh, vous avez arrêté, s'il vous plaît. Cet homme. Yeah, ça c'est. Lorsque tu n'es pas contrôlable, c'est un démon. Yeah, personne ne peut te donner un conseil. Tu fais ce que tu veux. C'est un démon. Vous avez vu ça, non? Yeah, personne ne peut te lier. Personne ne peut te contrôler. Tu veux faire ce que tu veux. Yeah, c'est un démon. Papa veut que tu fais ça. Tu dis non, je veux faire ce que je veux. J'ai plus de 18 ans. C'est un démon. Yeah. Par exemple, en Europe, en Amérique, quelqu'un de 18 ans peut appeler la police pour venir arrêter les parents. C'est un démon. Yeah. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 4. Il t'était. Vous avez vu verset 7. Il a couru vers Jésus, fils du Très-Haut. Vous Cela veut dire, que les démons sont dans l'église. Les chrétiens aussi dans ça ont des démons. Yeah. Beaucoup de chrétiens. Et puis on dit, parfois on utilise le truc de chrétien pour couvrir le démon. Oh, moi je suis chrétien, donc c'est comme je n'ai pas de démons. Yeah. Beaucoup d'entre nous ici, on a des démons. Yeah. Si tu permets. Alléluia. Continuez jusqu'à verset 9. Car Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit, verset 9? Quel est son nom? Légion est mon nom. Alléluia. Légion, parce qu'ils sont beaucoup. Amen. Ils sont beaucoup. Ils marchaient ensemble. Rare, tu vas voir un seul mot. Si quelqu'un a la haine, ce n'est pas seulement la haine. Il y a d'autres démons qui travaillent avec la haine. Alléluia. Ah, et on va voir ce groupe de démons sans perdre le temps. Ok. Le premier groupe, c'est le groupe destructif de mariage. L'équipe qui détruit les mariages. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Yeah. Yeah. L'encadrement des corps révèle souvent un ensemble complexe de problèmes insolvables. Alors, lorsque tu vois dans le mariage, il y a un problème. Ça veut dire il y a beaucoup de choses, beaucoup de démons, beaucoup d'esprits mauvais qui sont en train d'agir sur ce mariage. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Personne ne se souvient même du début ou bien de la fin du conflit, des problèmes dans le mariage. Alléluia. Parfois, on le voit, on ne sait même pas. Qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Si on demande quel est le problème, on n'arrive même pas à dire que bon, c'est là le problème, c'est ici le problème. Alléluia. Parfois, la femme va dire c'est le mari. Et mari va dire c'est la femme. Et on ne sait là où le problème a commencé. Alléluia. Amen. Yeah. Et tout a peut-être commencé par l'égoïsme, suivi par la grossièreté, la colère, l'orgueil, la rancœur engendre la vengeance. Alléluia. L'infidélité, l'adultère, la haine, les bagarres, le meurtre, le divorce. La fin, c'est le divorce. Et tout ça, ce sont des démons. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? Yeah! Yeah! Ok, les offenses s'accumulent et produisent l'amertume. Yeah! Et la rancune. Les offenses. Faut faire attention. L'offense produit beaucoup de démons. Beaucoup de choses aident l'offense. Alléluia. Lorsque tu es offensé, tu as l'amertume. Tu es amer. Amer, c'est quoi? Bitter. C'est comme tu prends la quinine. La quinine, hein? La quinine, c'est amer. Yeah. Tu vas sentir tant dans le cœur. Yeah. Amer. Le goût n'est pas. C'est quel goût? Goût amer, c'est ça, non? La nivaquine. Yeah, c'est amer, chloroquine. C'est amer. Et tu vas sentir ça dans le cœur. Et ça qui amène la rancune. Et ça qui cause le meurtre. Tu sens ça, tu peux tuer. Tu sens ça, tu peux gifler. Yeah, c'est pourquoi le mari va gifler la femme. L'amertume et la rancune. Vous comprenez? Donc, les démons travaillent en équipe. il y a un groupe de démons qui détruisent le mariage. Alléluia. Je suis sûr que ces démons ne sont pas contents ce matin. Parce que tu les connais maintenant. Lorsqu'ils commencent dans les relations, nous qui n'avons dans les relations là, copain, copine là, déjà il faut arrêter la relation. Yeah. Je vous dis, lorsque tu n'es pas prêt pour le mariage, ne commence pas une relation. Tu encourages les démons de commencer déjà. Yeah. Tu commences. Tu commences. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Copain, copine, et puis vous touchez les seins, les cuisses, et tout comme ça. Tu es en train de former une équipe de démons pour ton mariage. Tu ne sais pas. Tu es en train de former. C'est qu'une armée de démons pour ton mariage. Donc lorsque tu n'es pas prêt, arrête. Ne commence pas une relation. Je dis ça et je vais répéter encore et encore. Parce que ces démons sont têtus. Et on fait que tu es têtu. Dieu dit sa foi et puis tu continues sa foi. Et moi aussi, je suis têtu, je vais répéter. Ne forme pas une équipe de démons qui vont détruire ton mariage. Vous comprenez? Vous êtes là. Vous allez arrêter. Si tu n'es pas d'accord avec moi et avec la parole de Dieu, les démons vont persister. C'est ça. C'est tout. Soit tu es d'accord avec la parole de Dieu, ou bien tu es d'accord avec les démons. Certains d'entre vous, vous allez sentir chaud. La chaleur. Le pasteur, qu'est-ce que tu dis? Tu vas te sentir mal. C'est le démon là qui est en train de faire ça. Tu sens très mal dans ton cœur. Tu dois dire non. C'est fini avec toi. Tu peux dire ça maintenant. Dis au démon non. C'est pas à moi. C'est pas à moi. Dis au démon, dis. Yeah, dis au démon, maintenant, dis. C'est fini. C'est fini. Lorsque tu sors de l'église, appelle le gars là. Premièrement, non, avant d'appeler le gars, bien appeler la fille là. Va dans ta chambre et pleure. Pleure. Non, je suis sérieux. Parce que c'est le mal, tu vas sentir ça. Pleure. Et puis appelle-le, dis mon frère, c'est fini. Je ne suis pas prêt. Tu es en train de former une équipe destructive pour ton mariage. C'est comme ça que ça commence. Tu es en train d'ouvrir une porte. Et tu ouvres la porte. Yeah. Yeah. Tu fais kiss-kiss. Le gars a des démons. La fille a des démons. Toi aussi, tu as des démons. Et vous vous échangez des démons. Yeah. Les démons sortent par la bouche. Il faut aller lire Apocalypse. Les démons sortent par la bouche. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Il faut lire. Les démons sortent par la bouche. Les démons sortent par les oreilles. Ça va entrer dans ton oreille. Tu es en train d'écouter Kill Me, Sexual Healing. Tu vas dans la chambre du gars, il a mis le cool. La musique, tu es en train de jouer cool. Toi, Healing, mais hey, je veux t'attraper. Je veux. et les démons entrent dans ton des oreilles. Et tu vois que le gars a l'érection. Le démon est entré. Les démons entrent par les organes sexuels. Vous vous échangez et en train de former une équipe qui vont détruire vos mariages futurs. Mariage. Oh, si tu connais la gravité de ce que je suis en train de dire, tu vas commencer à être d'accord avec la parole de Dieu. Ah. Ah. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous ne voyez pas les mariages? Vous ne voyez pas les mariages des parents, des autres personnes? Vous ne voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas? Parfois, ça nous décourage. Yeah. Ce sont des choses. Le diable est entré. Les démons sont entrés. C'est fini. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, il faut te dire que moi, je ne vais pas ouvrir cette porte. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Parce que c'est là notre problème. Le problème des chrétiens et des jeunes chrétiens. Le diable sait ça. Il sait que ta faiblesse est le sexe. Ta faiblesse. Alléluia. C'est là, il sait. Tu veux. Mais il faut être d'accord avec la parole de Dieu. Que Seigneur, je veux faire ta volonté. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et tu vas voir des choses. L'offense va venir, l'amertume, des trucs, vengeance, infidélité, la haine, les bagarres. Chaque jour, les bagarres. Chaque jour, la colère. Chaque jour, il n'y a pas la joie. Wow. Vous êtes là? Waouh, mon temps est parti. Alléluia. Yeah, on va ajouter numéro 4, l'équipe sexuelle. Waouh. C'est fort. Okay. Équipe sexuelle. Forgive. Apocalypse, chapitre 18, verset 3, 2. Yeah, c'est ici. Apocalypse. Ok? Est-ce qu'on peut lire ce verset? Apocalypse 18, verset 2. On lit ensemble. Vous m'aidez ce matin. Alléluia. 1, 2. Ont bu du vin de la fureur de sa fornication. C'est ça, l'impudicité, la fornication. Les démons sexuels. Ah. Lorsqu'une jeune personne est profondément impliquée dans les relations sexuelles, avec des partenaires multiples, des ordres de démons, les équipes de démons souvent envahissent cette personne. Le livre d'Apocalypse déclare que Babylone est devenue habitation des démons à cause de la multitude de ses fornications. Wow. Yeah. Les esprits de désobéissance, la rébellion prennent la racine. Yeah. Donc tu vas voir que ceux qui forniquent désobéissent chaque fois, c'est d'une désobéissance. Tu désobéis Dieu. Alléluia. Est une rébellion. Les esprits d'impudicité, d'avortement. Yeah. Parce qu'il m'a avorté. Tuer, meurtre. qui est en train de tuer les bébés. Mortement. Alléluia. De stérilité. Yeah. Pas d'enfant. Parce que tu vas détruire tout. Les autres membres courants de l'équipe sexuelle sont les esprits de VIH hein, qui travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de la mort. L'équipe de la mort, la maladie travaille. Le démon des maladies travaille avec l'esprit de la mort. Le démon de la mort, c'est tout. Et en collaboration étroite. Forgive. Donc la fornication amène les démons. Vous échangez de démons. Wow. Donc s'il vous plaît, c'est pas. On ne répète pas ce sujet juste parce qu'on veut répéter. C'est parce que c'est grave. Parce que c'est important. Parce que c'est nécessaire. Parce que c'est en train de nous détruire. Petit à petit. Alléluia. Amen. Et un jour, on va blâmer Dieu. On dit que Dieu n'existe pas. Alors que Dieu existe. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. L'équipe sexuelle, la pornographie, ça fait partie. Masturbation. J'ai ton tes sentiments naturels. C'est ça qui fait l'homosexuel parce que maintenant, il ne veut plus les femmes, il ne veut plus les hommes. Yeah. L'homme ne suffit pas, la femme ne suffit plus. Soit c'est infidélité, on saute les murs pour aller chercher d'autres femmes, bien d'autres hommes, infidélité, ou bien on fait masturbation parce que ça ne suffit pas. Alléluia. Changer ton désir naturel alors que la femme, une seule femme te suffit. Ça ne te suffit pas. Donc l'infidélité, masturbation, pornographie sont toujours là. Et nous sommes en train de les inviter. Inviter spécial dans nos chambres. Nous sommes en train de les former, de les garder. Ils sont là prêts à agir autant porteur, au point, autant porteur. Hein? On a les former. On a des quoi là? Les images des femmes nues dans nos chambres. Parfois on met ça sur le pilon, on appelle pilon comment? Yeah. On les met sur le drap, c'est pornographie. C'est sérieux, moi je suis très triste. Je suis triste lorsque je parle de ça. Parce que vous ne voyez pas la gravité de ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Mais ce matin, ce démon est dévoilé. Les démons là sont dévoilés. Vous les connaissez maintenant. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu les connais maintenant. Tu les connais. Est-ce que tu seras d'accord avec eux? Tu seras d'accord avec eux? Wow, levez-vous. Hier, on a prié une prière. Et je veux qu'on prie cette prière ce matin. Alléluia. Yeah. Avec ces pratiques pornographie, tu as tissé un lien avec tes yeux. Les démons ont un lien avec tes yeux. Donc tu n'arrives jamais à arrêter de regarder la pornographie. Chaque fois que tu fais ça, il y a un lien. Certains d'entre nous, on a un démon dans nos mains. Yeah. Chaque fois que tu te déshabilles, tu veux toucher ton corps. Tu veux te masturber. Démon dans tes mains. Parce qu'il y a un lien. Alléluia. Hein? Tu as des rapports sexuels. Et tu n'arrives pas à arrêter. Tu as tissé des liens avec des gens. Et ce matin, on va briser ces liens. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez tissé des liens, donc vous n'arrivez pas à arrêter. Parce qu'il y a une alliance. Tu as une alliance dans l'esprit avec les démons. Alléluia. Et donc ce matin, si tu es d'accord avec la parole de Dieu, et tu crois au nom de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il nous a donné l'autorité sur les puissances, sur les démons, hein? Sur les serpents. Alléluia. Il t'a donné l'autorité. Et ce matin, tu veux briser les liens au nom de Jésus. Les liens que tu as tissés avec les yeux. Les yeux, chaque fois que tu es en train de chercher. Chaque fois qu'une fille à côté de toi, tu es en train de regarder la cuisse de la fille. Parce que les démons sont dans tes yeux. Tu veux toucher. Tu veux, je ne sais pas. Tu n'arrives pas ce matin. On va briser au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi et tu crois, avec le sang de Jésus, avec moi, levez les mains, commencez à prier. Tu connais les personnes avec qui tu as eu des rapports et tu veux briser ces liens au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie ce matin et brise, dis je brise le lien que j'ai tissé avec cette personne, avec ses appareils, avec le laptop, avec mon téléphone. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sasse, je brise, je casse, je détruis par la puissance de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, à la mention du nom, tout genou fléchit. Prie avec violence au nom de Jésus et brise. Prie avec violence. Brise. Nous brisons, nous chassons, nous détruisons par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, brise. Par le sang de Jésus, brise. Brise. Brise. Brise. Brise. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis par le sang de Jésus. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le démon ne va pas partir si tu n'es pas violent. Yeah. Parce qu'il est têtu. Il persiste. Le démon va te dire non, si tu ne peux pas tu ne peux pas briser ce lien. Le démon va te dire c'est un mensonge parce qu'il ment. Il m'a toujours. Et pour 2 minutes, on va prier encore. Et prie avec violence. Parle au démon, démon de fornication. Je te chasse et je brise le lien entre moi et toi. Et tu te rappelles des gens avec qui tu as les rapports sexuels. Brise le lien. Parfois, tu n'arrives pas à arrêter une personne particulière. Chaque fois, lorsque la personne part, tu tapes, c'est fini. C'est fini, tu sais que c'est fini. Aujourd'hui, ça va être brisé. Au nom de Jésus. Pour 2 minutes, on va prier. Fermez les yeux et brise. Affronte. Affronte le démon. Affronte le démon. Fais face au démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. de mama kalashambo. Antelebro celebe, kelebro celebe. Yikelebro celebe, kelebro celebe mama kalashambo. Antelema bras tele mama kalaba. Abo celebe beke bebe le bebe. Ele bebe le bebe le bebe. Yekele bebe le bebe. Yekele mabro tele mama. Ale bro tele mama kalaba. Ele mama mama. Ele bebe le bebe. Ele bebe le bebe. Ele bebe le bebe le bebe. Ele bebe le bebe. Ele bebe le bebe. Antele bebe le bebe. Ele bebe le bebe. Alléluia. Cette tendance pour, c'est comme vous n'allez pas vous marier à cause de ces démons. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas te marier. Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Lève la main. Il tu est libéré. Par... Oh, tu es délivré. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il a brisé le lien. Il a brisé le lien. Oh. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Dieu qui délivre est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je brise, je détruis, je chasse, je m'appelle au nom de Jésus. Oh, par ta présence, je détruis, je chasse. Remercie-le ce matin. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là, il est là. Il est parmi nous. Il est là parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là, il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Seigneur, nous te remercions pour la délivrance, pour ton esprit. Merci que les liens sont détruits, sont brisés. Nous n'avons plus le lien avec les ténèbres. Au nom de Jésus, merci pour ta délivrance et ta liberté que tu nous as donnée ce matin. Merci. Merci. Merci pour un bon futur de mariage et de relation. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et pousser un cri de joie. Alléluia. Avant de s'asseoir, je vais prier avec toi. Fermez les yeux sur tout le monde. Fermez les yeux. Je vais prier avec toi. Si tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Dieu, Dieu a envoyé son fils et Jésus est allé sur la croix pour nous racheter avec son sang. Ce matin, tu es là et tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le salut. Tu n'as pas pris une décision de donner ta vie tout entière à Dieu. Mais ce matin, tu es touché et tu veux donner ta vie à Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier avec toi. Ne laisse pas un démon te tromper ce matin. La meilleure des choses à faire est de te donner ta vie à Dieu. Si tu es là, lève la main. C'est un démon qui te dit non, ne va pas. Ce n'est pas toi qu'on appelle. Ce n'est pas toi que Dieu appelle. Lève la main pour Dieu ce matin. Lève la main. Lève la main. Un jour, tu ne verras pas le royaume des cieux si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Les démons, leur enfer est créé pour les démons, pour Satan et ses démons. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. Mais si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu vas aller dans l'enfer avec les démons. Ce matin, donne ta vie à Dieu. Lève la main. Lève la main. Quelqu'un a levé la main. Je ne vois pas la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Sinon, je ne vois pas. Tu as levé la main. Sinon, je ne vois pas la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Ma prière. Peut-être que tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir devant. Viens. Viens. Viens. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'aime. Il veut te sauver de l'enfer. Il veut t'aimer. Il veut te préserver. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit amen. Veuillez vous asseoir.